Oh, j'ai le sexe un peu mouillé. Oh, j'ai le sexe un peu mouillé. Mais dis-moi, j'ai le sexe un peu mouillé. Mais dis-moi, faut bien se le laver. Mais dis-moi, j'ai le sexe un peu mouillé. Mais dis-moi, faut bien se le laver. Oh, j'ai le sexe un peu mouillé. J'ai le sexe un peu mouillé. J'ai le sexe un petit peu mouillé.